Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on inaugure un nouveau thème dans l'émission, la cuisine. Et oui, vous allez voir que les oiseaux sont pleins d'inventivité. Comment ça va Sophie? Ah bah c'est bien, mais du coup tu m'as mis en appétit là! Je sais la pas gastronomie, si honnêtement, c'est parti. Soja, maïs, tournesol. Ouais, peut-être ouais. Pas. Je sais pas si tu consommes ça beaucoup souvent, mais. Ouais, de maïs, voilà. Régulièrement, tu. Ouais, après, maïs, effectivement. Ouais. Bon, mais. Non. Non, pas trop de soja. Non. Pas trop le mon truc. Qui pas le truc que t'apprécies plus. Non. Bon, après, je parlerai de pâtes. Voilà. Ah. Un truc qu'on mange un petit peu plus. Ouais. Ouais, c'est... Ouais. C'est un peu étrange tout ça. Non mais ça a l'air intéressant. Ah, ça a l'air intéressant culinairement, je sais pas, mais ça a l'air intéressant en tout cas. Et toi Sophie, de quoi tu nous parles aujourd'hui? On va parler de forêt. J'avais envie de... Okay. Ouais, mais je vais vous parler d'un petit truc qui est pas forcément un oiseau, mais on parlera d'oiseau après. Mais en tous les cas, il y avait des petites choses intéressantes dont j'avais envie de vous parler, de différents types de forêts. Et puis pour ça, je vous emmènerai au Vietnam. Ah, voilà. Ok. C'est vrai qu'on n'y a pas été souvent dans le courrier de la Sterne, dans ce petit coin. Eh bien, hâte de savoir ça, ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Mais avant tout ça... La rétro-piou-piou, évidemment. Qu'est-ce que tu as découvert, Sophie, lors de cette dernière semaine? Eh bien, déjà, une bonne nouvelle. Il y a un traitement qui a été proposé par l'Université de Pittsburgh, donc au Royaume-Uni, contre la grippe aviaire chez les singes. Alors, c'est des tests qui ont été faits très récemment. La publication est sortie, là, juste alors, il y a 2 semaines, il me semble. Le 30 janvier, il me semble. Et en gros, ça neutralise la grippe aviaire chez les singes lorsqu'ils malheureusement contractent la grippe aviaire. Donc c'est quelque chose qui pourrait, si jamais on a une pandémie mondiale avec ce genre de truc, hein, c'est quelque chose qui se balade pas mal. Et on a eu des cas aux US, notamment il y a pas longtemps, qui étaient particulièrement inquiétants parce que c'était des cas qui ont fini à l'hôpital, malheureusement. Et donc on a besoin de se protéger contre ce genre de pandémie mondiale s'il y a quelque chose qui se produisait, car on n'a pas envie que le pathogène arrive à s'implanter chez l'homme. Et donc ça, c'est quelque chose de très encourageant, parce que ça pourrait nous protéger en cas de pandémie de grippe aviaire. On va rester, on va dire, dans l'actualité avec l'une de mes études. C'est une étude qui est menée par un certain Frédéric Giguet. On a l'habitude de parler de lui lorsqu'on parle de corneille. Là, pour le coup, on ne parlera pas de corneille, si on parlera de corneille, mais un peu plus tard. On parle de, en fait, tracking des oiseaux, donc géolocalisation des oiseaux migrateurs, notamment par GPS. Mm-hmm. Et une étude publiée le 30 janvier dernier dans Nature Communications nous parle des problèmes que rencontrent les scientifiques dans les zones justement où ces transmissions par GPS sont interrompues, notamment dans les zones de guerre. Et donc, ils documentent 2 espèces d'oiseaux, la barjacque noire et l'aigle de Bonelli, dans 2 routes migratoires différentes. Et à chaque fois, on se rend compte qu'effectivement, le brouillage justement des communications par GPS tronque les informations que l'on peut avoir, les données que l'on peut avoir lors du suivi de ces espèces. Voilà. Mais tu sais, c'est super intéressant parce que j'ai une autre news qui va plus ou moins compléter celle-là. Ah super. Mais ouais. Et du coup, en fait, c'est une news à propos de petits drones qui aident les scientifiques à suivre les oiseaux justement dans des zones où c'est difficile de suivre avec d'autres moyens technologiques, et notamment des zones où on peut pas utiliser ces trackers GPS justement, parce que les trackers GPS, tu l'as dit, ça va pas partout à cause des problèmes de guerre ou de zones où c'est un peu compliqué à mettre en place. Mais aussi, c'est particulièrement cher, pour ceux qui en ont déjà utilisé, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux, malheureusement. Et donc, en fait, beaucoup de scientifiques préfèrent utiliser de la radiotélémétrie à la place, qui malheureusement a quelques problèmes parce que le récepteur que tu utilises pour la radiotélémétrie, c'est un peu comme si tu jouais à plus chaud, plus froid, tu sais, quand t'es petit et tu te dis tu chauffes ou tu refroidis. Et du coup, t'es obligé de te balader à pied en essayant de tenir le récepteur pour essayer de savoir dans quelle direction ça va. Et plus tu vas dans la bonne direction, plus le récepteur il bip fort, en gros. Plus ou moins. Mais du coup, il y a des problèmes avec les arbres, avec tous les bâtiments qui se mettent entre le récepteur et l'oiseau que tu es en train d'essayer de suivre. Parce que du coup, le signal est coupé dans ces cas-là. Et donc, utiliser un drone, ça te permet d'être un peu en hauteur et de ne pas avoir cette coupure de signal et de savoir exactement où est ton oiseau, en pouvant même suivre plusieurs oiseaux à la fois, d'ailleurs, ce qui n'est pas plus mal. Voilà. Mais c'est un suivi qui est temporaire, c'est-à-dire que les drones, tu ne peux pas non plus suivre les oiseaux sur des kilomètres et des kilomètres. Ah oui, évidemment que non, mais ça c'est pour tous les petits suivis que tu fais dans des zones assez restreintes. Tu sais, t'as beaucoup d'études qui se concentrent là-dessus, sur des zones assez restreintes, où là, le scientifique est obligé de marcher dans la zone en question avec son récepteur pour essayer de trouver où sont les oiseaux. Donc en fait, c'est des gens qui se baladent régulièrement comme ça, avec leur petit récepteur, pour essayer de voir un peu comment ça fonctionne. Mais qu'est-ce que tu veux, tout le monde n'a pas les moyens de se payer des petites boîtiers GPS pour poser sur ces oiseaux. Donc oui, c'est sûr que tu suivras pas la migration des oies, par exemple, ça c'est clair, mais bon. Même en posant des boîtiers GPS, moi je me souviens d'un documentaire sur le kakapo, on avait parlé de cet oiseau il y a fort longtemps, où justement, même s'ils posaient des balises GPS, ils étaient quand même avec leur antenne dans la forêt, à essayer de voir s'ils pouvaient effectivement capter le signal. Donc oui, effectivement, pour des oiseaux insulaires notamment, ça pourrait être très très pratique pour assurer le suivi des oiseaux, surtout lorsqu'ils sont en voie de disparition. Voilà. Moi j'ai une deuxième petite info, alors c'est pas vraiment une news, on va dire, d'actualité, c'est plus une discussion que j'ai eue avec un de mes libraires, voilà. On parlait de livres sur les oiseaux, et il m'a dit, mais est-ce que vous connaissez l'histoire de Joséphine de Beauharnais? Et oui, Joséphine de Beauharnais, donc... bien évidemment, l'épouse de Napoléon Ier jusqu'à 1809-1810, je crois, impératrice des Français à peu près de 1804 à 1810 aussi, et c'était une très grande fan d'oiseaux. C'était une personne qui adorait les plantes, c'était une personne qui adorait l'art, et c'était une personne qui adorait les animaux. D'ailleurs, le château de Malmaison était justement un lieu dédié à l'implémentation de ces animaux. Il y avait des mammifères, mais il y avait aussi beaucoup d'oiseaux. Et ce serait elle, j'ai pas réussi à trouver plus d'informations, mais mon libraire était assez formel, qui aurait implanté le cygne noir en France. Cygne noir qui ne vient pas de France, hein, ni d'Europe. Hein. C'est un oiseau que l'on trouve davantage en Australie. Et ce serait elle parce que elle avait du cygne blanc, elle s'est dit, bah, si le cygne noir existe, importez-le-moi. Et donc, elle aurait importé justement le cygne noir d'Australie en France. Ce serait donc elle, eh bien, à qui on doit tous les cygnes noirs que vous voyez dans les parcs et les jardins français aujourd'hui. Eh ben, on remercie ce libraire pour cette information très intéressante, ma foi, à vérifier du coup. À vérifier. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, mais j'ai évidemment pas pu le consulter, qui peut-être nous offrira des éclaircissements plus importants, et peut-être qu'un jour on aura l'occasion de faire une partie d'un des épisodes du Courrier de la Sterne sur justement Joséphine de Beauharnais et les oiseaux. Voilà. Mais ce serait avec plaisir, évidemment. Et moi, pour une dernière petite news, est-ce que tu connais un oiseau qui s'appelle l'outarde canepetière? Oui, J'imagine. Alors en France, on l'a un petit peu, généralement dans le sud de la France, hein, plutôt, vous n'en trouverez pas trop dans le nord. Et ce qui se passe, c'est qu'on a une bonne nouvelle pour cette outarde canepetière. Elle niche habituellement au Maroc et elle avait disparu d'Algérie et des localité environnante, et ben depuis cette année, elle est revenue et elle niche de nouveau en Algérie. Et ça, c'est une observation qui est vachement, qui est très intéressante aussi, parce qu'en fait, elle ne niche pas n'importe où, elle va nicher dans ce qu'on appelle une zone humide, c'est le marais de la Makta en l'occurrence. qui est une zone humide d'importance internationale, hein, ça fait plus de 40 000 hectares, et ça abrite plein d'oiseaux. Et encore une fois, on retrouve l'outarde canepetière là-dedans, mais pas qu'elle, évidemment, ce qui nous permet encore une fois de mettre en lumière l'importance de ces zones humides dans la conservation des espèces. Mais est-ce qu'on sait pourquoi elle est revenue ? Alors non, on ne sait pas. On sait juste qu'elle y est, ce qui est déjà pas si mal. Donc oui, c'est un oiseau notamment, c'était l'un des oiseaux qui a mis, entre guillemets, entre parenthèses, le projet de méga-bassine qu'on avait notamment en Gironde. Mm-hmm. Et justement, la présence de cet oiseau, qui est protégé en France, eh bien, a été l'une des raisons justement de l'arrêt de ce programme de méga-bassine. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un groupe français qui suit d'ailleurs cet oiseau très attentivement. Et on aura peut-être un jour l'occasion de réaliser un épisode sur le courrier, du courrier de la Sterne sur cet oiseau et sur leur suivi. Ça peut être sympa. Ah oui, carrément. Sophie, il est actuellement 5 heures lorsqu'on enregistre, un petit peu plus de 5 heures. Mais alors, toi, 6 heures, du coup. Oui. donc, tu vas être un petit peu plus proche de manger que moi. Et justement, je te propose de parler un peu de nourriture. Alors non, on va pas cuire des oiseaux, vous inquiétez pas. Absolument. Poulet à la branche, ça oh. Non. Oh. Non, on va parler de deux études, dont une dont on avait parlé avec Perrine Lequitte-Charansol, qui était sur la couleur des graines. Est-ce que tu te souviens de ce que Perrine nous avait dit là-dessus, que c'était une étude qui était en cours? Ah, et oui. Cette étude, elle a terminé son cours, puisqu'elle a été publiée le 5 février 2025. Elle est réalisée par Amal Chantoufi, mais on retrouve Frédéric Giguet dans la liste des co-auteurs de cette étude. Et grosso modo, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étude ? Eh bien, elle avait pour objectif d'étudier les préférences de nourriture et de couleur des corneilles noires du Muséum d'Histoire Naturelle. En Europe, les dégâts causés par les corvidés sont assez importants, notamment pour les agriculteurs. On a surtout du tournesol et du maïs qui sont les cultures les plus visées. Et donc, forcément, on a pris aussi en considération le fait que, eh bien, on est l'objectif de trouver une nourriture compensatoire qui permettrait justement d'éviter ce genre de soucis. Mm-hmm. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait 35 tests. Lors de ces 35 tests, 5 espèces de graines ont été utilisées. Du tournesol, du blé, du maïs, du soja et du pois, donc une assez grande variété finalement graines. Alors pourquoi le pois ? Parce que le pois peut être un petit peu particulier. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a un programme de protection de culture qui s'appelle PECOR, P-E-A-C-O-R. Le nom est terrible. Et c'est un programme visiblement européen qui a pour objectif en fait de planter des bandes de pois entre deux cultures, que ce soit des cultures de maïs ou des cultures de tournesol. L'objectif étant que ces oiseaux s'intéressent davantage aux pois et non pas au maïs et au tournesol qui lui peut pousser tranquillement. Donc, on a essayé aussi de tester cette caractéristique de savoir si le pois était effectivement un élément que les oiseaux aimaient particulièrement. Donc, les oiseaux ont été testés, 40 graines de chacune des 5 espèces ont été mélangées dans une zone très précise de 30 cm par 30 cm. Ah oui, ça a duré du 6 au 22 mars 2023 et l'expérience était considérée comme valide lorsque 40 à 160 graines sur les 200 qui étaient placées, voilà pourquoi on a du 40 par 5, avaient été consommées. Donc entre 20 et 80% des graines disponibles qui avaient été consommées. Donc sur les 35 essais, il y a eu quelques ratés. 27 ont donc été considérés comme valables. Pourquoi ? Parce que dans 6 expériences, il y a des pigeons qui se sont mêlés à la fête. Voilà. Bonjour. Excusez-nous, on fait que passer. Exactement. Je vous rappelle que l'objectif est de tester uniquement la corneille noire. Donc si vous avez un autre oiseau qui se joue à votre expérience, ça ne marche pas. Oh, mais c'est difficile. Du coup, comment tu fais ? Tu mets un panneau interdit aux pigeons ? C'est compliqué. Et deux autres résultats ont été exclus parce que, on était inférieur justement à 40 graines. Donc, à partir de là, on a considéré que ce résultat n'était pas forcément significatif. Ensuite, on a étudié la préférence des couleurs chez les oiseaux. Donc, on l'a étudié sur une seule espèce, on l'a étudié uniquement sur du maïs. Pourquoi ? Parce qu'il est l'une des cultures les plus ciblées par les attaques d'oiseaux, mais qu'il peut être aussi facilement enduit de colorants alimentaires, mais aussi parce qu'il est consommé justement par les corbeaux et les corneilles qui sont en ville. Donc on a utilisé du vert, on a utilisé du rouge, on a utilisé du jaune et on a utilisé du bleu pour avoir un petit arc-en-ciel, et on a traité de manière aléatoire chacune des couleurs de manière à savoir si les individus préféraient plus ou moins certaines couleurs ou pas. On a à nouveau effectué des collectes de données sur à peu près une période de 1 mois. 71 tests ont été réalisés, 20 tests pour le vert et 17 pour le bleu, l'orange et le rouge. Aïe, ça veut dire que notre premier essai sur la couleur n'est pas vraiment significatif. Par contre, lorsque l'on prend en considération la nourriture des oiseaux, là, on a des résultats très intéressants. Et notamment pour les graines de tournesol et de blé qui ont été préférentiellement mangées par les oiseaux. Logique, c'est ce qu'on retrouve comme résultat par ailleurs. En revanche, j'ai parlé du poids tout à l'heure avec notre fameuse bande Picor. Eh bien, les résultats sont contradictoires à nos amis de chez Picor, puisque le poids n'a été quasiment jamais été mangé par les oiseaux. Ah bon, voilà. Ils n'aiment pas les poids. Donc, eh ben non, ils n'aiment pas les poids, visiblement. En tout cas, c'est un résultat qui semble être contradictoire vis-à-vis des études qui ont été menées par Picor. Alors, préférence marquée, comme je l'ai dit, pour les graines de tournesol et de blé, qu'ils attribuent sur le fait qu'on trouve aussi ces graines en ville dans les mélanges vendus pour les oiseaux dans le commerce et qui sont justement donnés aux oiseaux dans le parc. Et donc forcément, eh bien, il y a sans doute eu une préférence aussi pour cette nourriture parce que les oiseaux la connaissaient déjà. On a aussi le soja qui est très très peu consommé, voire pas du tout consommé, à peu près au même niveau que le pois. Donc voilà, pour ces essais, ils consomment, nos chers corneilles consomment des graines, on va dire de manière assez classique, en favorisant les graines familières par rapport à celles qui ne le sont pas. Voilà un petit peu tout ce que l'on peut dire sur cette histoire de nourriture et de couleur. Alors pourquoi il y a un rapport de couleur qui est, on va dire, assez peu significatif? Alors il y a le vert qui est quand même un tout petit peu plus représenté dans le choix des oiseaux que d'autres couleurs, sans doute parce que les graines sont plus utilisées justement par les, comment dire, sont plus faciles à trouver dans la nature, alors que les graines de couleur rouge, orange et bleu sont des signaux un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus dangereux pour les oiseaux, et ceux-ci ont tendance, par phénomène de néophobie, à ne pas trop s'en approcher. Ah bon ? Okay. J'ai parlé du soja tout à l'heure, Sophie. Bah, ça m'étonne un peu qu'en fait ils aient utilisé du soja, parce qu'on est sur des animaux qui sont européens. Soja, c'est pas trop. Normalement, ça pousse pas trop dans le coin. Enfin, on était plus pour le coup avec le soja sur du test contrôle, hein, pour savoir un petit peu si, voilà. Pour savoir un petit peu si les oiseaux pouvaient le consommer. Néanmoins, Sophie, je t'avais dit que je te parlerais de pâtes. J'avais dit que je te parlerais de nourriture. Il y a une étude qui est sorti chez Current Biology en date du 10 février dernier, qui parle du cacatoès de Goffin. Et le cacatoès de Goffin, il a, semble-t-il, une petite particularité, c'est qu'il aime assaisonner ses plats. Alors, comment ça marche cette histoire ? Comment ça ? Alors, grosso modo, les chercheurs de cet endroit ont observé des comportements assez bizarres de certains oiseaux qui prenaient des pâtes et qui les trempaient justement dans du soja. Et ils se sont dit, mais tiens, on va réaliser une expérience pour voir si c'est réellement juste pour assaisonner la nourriture, ou si ça peut être une autre cause. Donc, ils ont réalisé deux types de tests. Un test, on va dire, très classique, où, justement, ils ont mis les cacatoès de Goffin devant trois choix de nourriture. Soit c'était une pâte, soit c'était du yaourt, soit c'était les deux. Et, eh bien, on s'est aperçu que certains oiseaux choisissaient exclusivement les deux. Voilà. Ah ouais. Ouais, on a effectivement certains oiseaux qui sont favorables aux deux, comme on a certains oiseaux qui sont davantage favorables à ne pas assaisonner leur plat. D'accord. Tout simplement. Et okay. ils ont quand même fait un test avec de la patate pour savoir si c'était effectivement, eh bien, ça pouvait aussi fonctionner avec des patates. Et les résultats ont été beaucoup moins significatifs qu'avec les pâtes. Seul un individu s'est prêté justement à vraiment apprécier les patates avec du soja à hauteur de, allez, on va dire 30%. Les autres ont quasiment pas ou très peu consommé cela. Et puis on a fait un dernier test pour savoir si c'était la couleur qui avait influencé justement les oiseaux. Eh bien, il s'avère que Moneypenny, qui est donc le cacatoès de Goffin, qui ne mange exclusivement que des pâtes au soja, a à chaque fois choisi la couleur blanche. Puisqu'on avait une couleur blanche et une couleur violette qui rappelait justement un petit peu cette préparation au soja. Mm-hmm. Eh bien, cet oiseau était davantage intéressé par la couleur blanche que la couleur violette. Et d'accord, donc voilà, c'est la première fois dans le monde des oiseaux que l'on a justement la preuve que l'on peut avoir des assaisonnements de plats. On avait déjà eu cette preuve avec des macaques, je crois, mais dans le monde des oiseaux, c'est la toute première fois que cela a été montré. Voilà. Eh ben top. À quand le livre de recettes pour Piu-Piu? Ah bah écoute, je sais pas, on n'en est pas encore là, mais... si, on n'en est pas loin, clairement. Mais donc voilà, pour ce petit test. Alors, les tests sont... Le test notamment de cette deuxième étude est assez restrictif, puisqu'on a testé que 9 oiseaux, même si on a quand même réalisé un certain nombre de choix qui ont été proposés aux oiseaux. Mais voilà, ça reste quand même des études à poursuivre. Et en parlant d'études à poursuivre, celle sur nos corneilles va être également poursuivie pour essayer de voir si, eh bien, on peut donner une nourriture non létale, mais dissuasive aux oiseaux pour éviter justement que nos chères corneilles se mettent à manger toutes les graines qu'ils peuvent trouver, notamment dans les champs, ce qui peut gravement pénaliser les agriculteurs et les agricultrices. Donc, cette étude sur les corneilles n'est pas finie, on aura sans doute l'occasion d'en reparler prochainement. Eh bien, Sophie, si tu n'as pas de questions... Bah, écoute, ça m'intéresse. J'étais en train de me dire, mais du coup, sur la mangeoire, est-ce que faut que je mette des pâtes au soja, moi? Bah, pour les cacatoès, peut-être. Pour les corneilles, il faudrait faire le test. Hein. Ça se trouve, elles adoreraient les frites au soja. Les pâtes au soja? Les frites. Qu'elles sont nourries, avec les frites du McDo du coin, donc... Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on pourrait leur proposer peut-être... Alors, bon, c'est une idée, après, je sais pas, hein, mais mettons, je vois bien la mangeoire avec, tu sais, les frites ou alors les pâtes, et puis à côté, t'as les condiments qu'ils peuvent choisir. Genre un peu d'herbe de Provence, un peu de paprika... Ça, ce serait incroyable. Faudrait mettre en place ce genre de test, en vrai. Ah mais oui, et comme ça, tu vois, si effectivement, ils trempent le bec dans un truc et on allait manger les pâtes ou pas, quoi, c'est... Ouais. Si ça se trouve, on a des fans de chili, tu sais pas encore. C'est vrai. C'est vrai, ça se trouve, il y en a certains qui apprécient les Eh. comment dire, les graines plus épicées, d'autres un petit peu plus de sel. Ou, voilà, Tu vois? Ouais, ne ah, ce donnez pas de graines serait... salées aux oiseaux tant qu'on y est d'ailleurs, hein, c'est Non, un petit non, peu non, bon. non, non, non, absolument. Mais, c'est pour reprendre l'analogie, bien sûr. Mais oui, c'est effectivement une étude qui serait intéressante à mener. Après, n'allez pas faire ça dans votre jardin avec tout ce que vous trouvez. Il y a des choses qui Il sont faut... dangereuses pour les oiseaux, Voilà, donc et évitez. il faut quand même établir un cadre et une rigueur scientifique. C'est pour ça notamment que les éléments constitutifs de la première étude ont été choisis, on va dire, avec parcimonie. Et les pâtes qui sont données aux cacatoès sont des choses qu'ils ont l'habitude de manger de leur côté. Donc voilà, il n'y a pas Oui, puis de... si vous mettez des frites sur votre mangeoire, vous risquez d'attirer d'autres trucs qui sont des goélands, c'est pas forcément le meilleur la meilleure chose Oui. à faire. Bon, bah, il n'y a pas que les goélands hein, qui vont se nourrir des frites, Oui. Tu mais oui, crois? Oh. effectivement. Non, non. Bah, ça dé... Après, goélands à l'intérieur des terres, un petit peu compliqué, mais... Oh, ça dépend. Tu sais, quand il Oui, y a une c'est décharge vrai, à c'est côté. vrai, c'est Oh. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Ça, je parierais pas Effectivement. là-dessus, ça. Mais voilà, on espère que bah, vous avez apprécié ce petit repas. Nous, on part en forêt, du Et coup, bon Sophie. appétit. Et bon Eh ben appétit. oui. Nous, on part en forêt. Il y a une étude qui est sortie il Pour n'y a manger pas au coin du longtemps. feu, finalement. Alors, je vous prierai de ne pas faire de feu dans cette forêt, ce serait gentil. Mais en l'occurrence, on va partir au Vietnam. Et bon, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui est très très. Qui connaît très bien le Vietnam dans ceux qui nous écoutent, quoique je peux me tromper après tout, pourquoi pas, mais bon, c'est vrai qu'on a plus un public français après tout. Et donc au Vietnam, vous avez pas mal de forêts et on est dans un système plutôt tropical, hein. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas que de la forêt tropicale, il y a aussi différents types de forêts tropicales. Si vous ne le saviez pas, il y a la forêt tropicale humide, qui va se trouver généralement plus en altitude, un peu loin des côtes, et vous avez la forêt tropicale qui est appelée décidue sèche. Alors bon, en gros, on va l'appeler la forêt sèche tropicale, c'est un peu plus simple. Mais en gros, ce sont des forêts qui sont plus proches des côtes et qui vont être généralement plus au niveau de la mer, du coup. C'est des lieux qui sont pas très très courants de par le monde, hein. Vous en trouvez un petit peu du côté de l'Asie, vous en trouvez autour de Madagascar et vous en trouvez en Amérique du Sud, mais surtout au niveau de l'Amérique centrale, sur les côtes, encore une fois. Et donc, ce sont des forêts qui vont faire tampon entre la mer ou l'océan et les forêts de plus de l'intérieur des terres qui, elles, vont être les forêts tropicales humides qui vont se trouver donc plus en altitude sur les reliefs généralement. Alors, c'est une végétation décidue, donc de type caduque, c'est-à-dire que les arbres vont perdre leurs feuilles au bout d'un moment, ce qui n'est pas la même chose en forêt tropicale humide où généralement vous avez une forêt qui reste verte toute l'année. Et alors, ce qui va se trouver dans ces forêts-là, en fait, ce sont des animaux un peu particuliers, évidemment. Ce qui se trouve dans la forêt tropicale humide, ça va pas être les mêmes animaux que vous allez retrouver en forêt tropicale sèche, parce que tout simplement, c'est pas le même environnement, hein. Comme on l'a dit, les arbres perdent leurs feuilles, donc au bout d'un moment, vous êtes sur quelque chose de très différent au niveau des espèces que vous allez y retrouver. Sauf que, entre ces deux forêts, vous avez une zone un peu différent, parce que je vous ai dit qu'on passait d'une forêt à l'autre, mais en fait, on passe pas d'une forêt à l'autre comme on passerait d'un bloc Minecraft, d'un biome à un autre biome, hein, ça, y a pas une limite comme ça. Non mais bon. Il n'y a pas une grotte avec un temps de chargement et paf, vous passez dans une nouvelle zone. Exactement. Donc il y a en fait une zone de transition entre ces deux forêts. Et dans cette zone de transition, vous allez retrouver un petit peu de la forêt tropicale humide, un petit peu de la forêt tropicale sèche avec les espèces végétales qui vont se mélanger à ce niveau-là. Et évidemment les espèces animales qui vont aussi se mélanger sur cette zone tampon en quelque sorte entre les deux environnements. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais en 2018, il y a eu une petite news intéressante au niveau du Vietnam, justement dans cette zone entre la forêt tropicale sèche et la forêt tropicale humide. Ça a fait quand même la une des journaux à un certain moment, parce qu'en fait, c'est une espèce qu'on pensait disparue et qu'on a retrouvée. Ah, la couturière cambodgienne? Non, non. En l'occurrence, c'est pas un oiseau. C'est un mammifère, c'est ce qu'on appelle un chevrotin. Alors, pour être plus exact, c'est le chevrotin à dos argenté qu'on a retrouvé en 2018, justement dans le parc Je national dont on croyais que va c'était le parler nom d'un aujourd'hui. fromage, moi. Non. Alors non, le chevrotin, c'est un animal. Alors c'est un, en l'occurrence, c'est un cervidé, mais c'est un tout petit cervidé. C'est D'accord. un truc qui est, c'est pas un cervidé exactement, c'est un tragulidé, mais bon bref, c'est plus ou moins du même style. Mais c'est tout petit petit. On appelle ça aussi le cerf-souris. Pour vous donner une idée, c'est vraiment un tout petit truc. Ça ressemble à, alors celui-là, je pense qu'il a la taille d'un gros lapin, il me semble, un truc comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose de tout petit, et en l'occurrence celui-là c'est considéré comme le plus petit de tous les ongulés, donc ça vous donne une idée. C'est vraiment tout petit. Et on l'a retrouvé là en 2018, et on l'avait pas vu depuis 30 ans quand même. C'était quand même pas mal. Et on l'a retrouvé, alors on l'a pas retrouvé n'importe où, on l'a pas retrouvé dans la forêt sèche, et on l'a pas retrouvé dans la forêt humide, on l'a retrouvé exactement dans la zone de transition entre les deux forêts. Ok. Et c'est pas une zone qui est très très grande, c'est une zone de transition, donc on n'est pas sur un truc énorme. Mais en l'occurrence, on ne l'a retrouvé que là. Et alors les scientifiques qui avaient posé des caméras à l'époque pour essayer de retrouver des animaux, et quand ils ont vu cet animal en 2018, ils se sont dit, bah, c'est quand même curieux, pourquoi est-ce qu'il est juste dans cette zone-là? Pourquoi est-ce qu'il se balade pas un peu dans les zones à côté, hein? Pourquoi est-ce qu'il va pas un peu dans la forêt sèche, un peu dans la forêt humide? Pourquoi Mais est-ce je qu'il vais reste où juste je au milieu? veux, mon bon monsieur. Mais pourquoi? Pourquoi Non, mais la question se pose quand même, Ah hein, bah. t'avoueras. Et du coup, ils se sont dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres animaux qui feraient pareil? T'as fait par hasard, on pourrait pas tester, voir s'il y a d'autres mammifères, s'il y a des oiseaux, hein, t'as fait par hasard, qui aiment particulièrement cette zone-là et qui y restent. Parce qu'en fait, faut aussi se rendre compte, on a beaucoup étudié la forêt tropicale humide. Ça, tu le sais, on a trouvé plein d'oiseaux dedans, on retrouve d'ailleurs des espèces régulièrement, je sais pas si tu te souviens, l'année dernière, on avait parlé d'espèces qui ont été retrouvées du côté de Madagascar, dans une forêt similaire. Oui. Voilà, on en J'ai avait plus le nom par parlé. contre, mais oui, on en avait effectivement parlé. C'est pas grave. Mais en tout cas, on a retrouvé deux espèces comme ça à Madagascar, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. En tout cas. Et on a pas mal étudié donc la forêt décidue sèche tropicale, donc celle qui est sur le bord de mer, parce que bah pareil, c'est un environnement, c'est un biome différent, on a envie de savoir ce qui s'y passe un petit peu, c'est normal. Mais la zone qui est entre les deux, on l'a pas beaucoup étudiée, parce qu'on s'est dit, bah, c'est une zone tampon. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de différent? C'est pas énorme, de toute façon, on va juste retrouver des espèces d'un côté et de l'autre qui vont se mélanger, et puis bah c'est tout, quoi. C'est pas très intéressant. Sauf que, bah, en voyant que le chevrotin, il ne vivait plus ou moins que dans cette zone de transition, ils se sont dit, bah, on va peut-être s'intéresser à ça et voir un peu comment tout ça fonctionne. Alors ils ont de la chance parce qu'ils ont fait leur étude dans un parc national qui est le parc national du Vietnam, dans lequel on va pouvoir avoir justement cette zone de transition qui ne se trouve pas dans les autres parcs nationaux au Vietnam. C'est le seul endroit où tu as vraiment la zone de transition entre cette forêt sèche et cette forêt humide, ce qui permet D'accord. justement de faire des études intéressantes. Et ils ont posé des caméras. Sauf qu'ils n'ont pas posé des caméras n'importe où, ils ont posé des caméras dans les trois environnements pour arriver à faire des comparaisons. Ils ont posé des caméras dans l'environnement sec, ils ont posé des caméras dans la forêt tropicale humide, ils ont posé des caméras dans la zone entre les deux. Au total, c'est 145 caméras qui ont été posées dans toutes ces zones. Ça fait quand même un paquet de trucs à regarder. C'est plutôt pas mal, C'est pas effectivement, mal. c'est. Et ils ont fait leur étude donc entre 2018, le moment où ils avaient trouvé le chevrotin, et 2022, ce qui leur a laissé quand même 3 ans de photos et de vidéos à analyser. Ça fait beaucoup sur 145 caméras. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis un peu de temps à publier. On leur en veut pas Bah du tout. c'est quelle étude où ils avaient plus de 3 millions d'heures Oh, de je sais rush plus. Mais il il y en y a avait comme une ça, étude hein. comme ça en Ah Amérique du Sud oui. où Il y il y en a avait eu comme ça, hein. ça Oh, ouais. ah oui. Mais là, c'est pareil, ça a dû faire un sacré paquet d'heures de rush, hein, à étudier. Donc c'est pour ça qu'ils publient que maintenant. Et voilà, on ne leur en veut vraiment pas. Donc ils ont regardé toutes ces caméras. Et en fait, ils sont arrivés à la conclusion que, eh ben, dans cette zone tampon, il y avait des espèces qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. En l'occurrence, le chevrotin, mais il y avait aussi des espèces d'oiseaux qu'on ne trouvait pas qui avaient plus l'habitude de se retrouver dans ces endroits-là. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne se retrouvent pas autre part, mais c'est des endroits qui, c'est des espèces qui affectionnent particulièrement cette zone de transition et qui vont vraiment y vivre une bonne partie de l'année, ou autant qu'elles puissent en tout cas. En l'occurrence, il y a des faisans qui font ça. Alors je ne sais pas si tu connais un peu les faisans de là-bas, il y a ce qu'on appelle l'éperonnier de Germain notamment, le faisan prélat aussi, donc tout ça c'est des faisans qui habitent du côté du Vietnam. C'est de jolis oiseaux d'ailleurs, si vous voulez aller regarder. Des belles petites bestioles. J'avoue, je les connais pas plus que ça, ces faisans. Mais... Après, ça reste du faisan, quoi. C'est juste que, comme d'habitude, il y a des couleurs toujours chez les faisans qui sont assez sympas à regarder, quoi. C'est tout. Mais bon, dans la forme générale, on est sur du faisan, hein. Y a rien de très spécifique. Et donc, ces oiseaux-là vivent particulièrement dans cette zone de transition. Et en fait, en poursuivant leur étude, ils se sont rendus compte que cette zone de transition, eh ben, elle était vachement plus riche en biodiversité que les deux zones d'à côté. Et ça contredit un petit peu ce qu'on pensait précédemment, parce qu'on m'a toujours dit, et je pense qu'on t'a certainement dit aussi, que les forêts tropicales, notamment les forêts tropicales humides, c'était des nids à biodiversité, c'était des endroits absolument incroyables pour tout plein d'espèces qui avaient un nombre d'espèces dans ces zones-là qui étaient absolument incroyables et qu'on retrouvait nulle part ailleurs. Eh ben en fait, on en trouve plus dans la zone de transition entre les deux types de forêt tropicale, la sèche et la humide, qu'on en retrouve dans la forêt tropicale humide ou dans la forêt tropicale sèche. Ce qui est pas bête en vrai, parce que étant donné qu'on a le mélange en fait des deux, on peut à la fois retrouver des espèces qui sont privilégiées l'un des deux milieux, et puis des espèces qui apprécient le mélange des deux. Je ne sais pas si je suis clair, mais... Ah si, tu es très clair. Exactement, c'est ce qui se passe en réalité. Et on pensait originellement que la zone de transition, bah, c'était, comme son nom l'indique, une zone de transition, donc que les espèces iraient moins dans cette zone-là, parce que ça ne correspond pas exactement à leur habitat. Et on ne pensait pas qu'il y aurait des espèces spécifiques de cette zone de transition, ce qu'on a trouvé grâce à ces études-là. Alors pour l'instant, cette étude se base uniquement sur du mammifère et de l'oiseau. On n'a pas encore beaucoup de news au niveau des insectes, mais j'imagine qu'il y a aussi tout plein d'espèces qui doivent affectionner particulièrement la zone de transition plutôt que les deux autres. Donc on attend la suite des résultats, hein. Pour l'instant c'est que sur de la grosse bestiole qu'ils ont fait cette étude. Mais on espère qu'à l'avenir, il y aura aussi des résultats sur des petites espèces d'insectes ou d'invertébrés en tout genre, d'ailleurs, hein, pas que des insectes, peut-être du mille-pattes, on ne sait pas, qui vont spécifiquement aimer cette zone de transition. Et donc, l'une des conclusions de l'étude, que je trouve particulièrement intéressante, c'était de prévenir un petit peu les gens qui souhaitaient faire commerce de l'environnement, en quelque sorte. Tu sais qu'il y a toujours des attractions touristiques qui sont placées à côté des zones protégées. Alors ça peut être du tourisme vert, qu'on connaît pas mal. Ça peut être des gens qui ont envie juste d'aller se reposer un petit peu en pleine nature. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent autour des zones naturelles et des zones protégées. Et on pensait, et encore récemment, que placer des activités comme ça dans des endroits de transition entre deux milieux, entre deux biomes bien définis, ça fait pas beaucoup de mal, parce qu'après tout, tu détruis pas grand-chose, c'est juste la zone de transition. Mmh. En fait, non. C'est encore pire. Donc, c'est des zones vraiment à protéger. Et dans l'étude, ils encouragent fortement donc le gouvernement vietnamien à protéger cette zone encore plus et d'essayer peut-être de trouver d'autres endroits où on peut retrouver le même type de transition et d'essayer d'étudier les espèces qui y sont et surtout de les protéger pour protéger tout ce qu'on peut, toutes les espèces qui pourraient s'y trouver et qu'on ne connaît pas encore. Mais c'est super intéressant, parce que ça voudrait dire que si effectivement on a confirmation des résultats, parce que c'est toujours un peu la même chose, là on est sur un cadre très très particulier de forêt tropicale, on pourrait davantage justement... utiliser ces zones de transition pour accueillir davantage de biodiversité. Enfin, je trouve ça absolument, absolument fantastique. Alors que habituellement, on fixe les environnements de manière justement à avoir une certaine population, parce que on dit cette population, elle est, on va dire, typique de tel ou tel milieu. Et si elles sont capables de se fondre entre guillemets dans le mix des milieux, ça pourrait ça pourrait tout aussi bien fonctionner. Donc c'est absolument super intéressant, en vrai. Et ce sont des zones d'adaptation aussi, parce que t'as une espèce qui est inféodée plus ou moins à un milieu, mettons un oiseau qui habite plus volontiers dans la forêt tropicale sèche, le fait qu'il puisse se balader un petit peu dans cette zone de transition, ça veut dire que l'espèce est plus ou moins adaptable. Et donc en cas de changement climatique ou de disparition de la zone tropicale sèche, il pourra tout à fait survivre dans cette zone au milieu des deux. Donc on est sur des endroits tampons qu'il faut absolument préserver si on veut préserver les espèces lors d'un changement climatique comme on en vit actuellement. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant de faire des études sur ce type de zone aujourd'hui dans un contexte de changement climatique. Mélange de milieu et mélange culinaire, le mot mélange finalement, c'était celui qu'il fallait retenir pour ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Merci beaucoup Sophie d'avoir été présente. Où est-ce qu'on te retrouve ? Les réseaux sociaux habituels, hein, Twitter, @leplumeux, Instagram, @leplumeux aussi, et puis la chaîne YouTube Entracte Science. Et vous retrouvez bien évidemment le Courrier de la Sterne sur toutes les plateformes de streaming. Vous retrouvez également l'émission sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sur YouTube sont faits pour ça. Si vous voulez retrouver l'intégralité des travaux que nous avons discutés, ils seront présents, comme à l'habitude, dans la description. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. D'ici là, bon appétit. À plus.